Oh mon Dieu! Miséricorde! Qu'est-ce que c'est donc que cela? Quelle figure! Est-ce un momon que vous allez porter? Et est-il temps d'aller en masque? Parlez donc! Qu'est-ce que c'est que ceci? Qui vous a fagoté comme cela? Et voyez l'impertinente de parler de la sorte à un mamamouchi. Comment donc? Oui, il me faut porter du respect maintenant, il en vient de me faire mamamouchi. Que voulez-vous dire avec votre mamamouchi? Mamamouchi, vous dis, je suis mamamouchi. Quelle bête est cela? Mamamouchi, c'est-à-dire en notre langue, paladin. Baladin? Êtes-vous en âge de danser des ballets? Quelle ignorante, je dis paladin. C'est une dignité dont on vient de me faire la cérémonie. Quelle cérémonie donc? Ah, mais ta père Jordina. Qu'est-ce que cela veut dire? Jordina, c'est-à-dire Jourdain. Eh bien quoi, Jourdain? Voler phare, un paladinat des Jordina. Comment? D'Arthur Banta con galera. Qu'est-ce à dire cela? Et père défendeur Palestina. Que voulez-vous donc dire? Dara dara bastonara. Qu'est-ce que c'est donc que ce jargon-là? Oh, non teneronta questa star l'ultima affronta. Qu'est-ce que c'est donc que tout cela? Oulaba balachou, balaba balada. Hélas, mon Dieu, mon mari est devenu fou. Paix insolente, portez respect à monsieur le mamamouchi. Où est-ce qu'il a donc perdu l'esprit? Courons l'empêcher de sortir. Ah, voici justement le reste de notre écu. Je ne vois que chagrin de tous les côtés.